Qu'est-ce que tu refais là? Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français, 100% PNL, au moins pendant, allez, une bonne heure et demie. On va se faire le groupe événement qui a sorti aujourd'hui le troisième projet. C'est dans les bacs, ça fait un véritable carton, hein. Dans la légende, on va écouter évidemment beaucoup de sons de cet album dans la légende. On retournera sur le monde Chico aussi. Et puis le premier projet de PNL, que la famille. C'est parti pendant, allez, un peu plus d'une heure. S'il y a des sons de PNL que vous voulez, n'hésitez pas, le hashtag Skyrock, hashtag la nocturne PNL sur Skyrock. Balancez des messages, n'hésitez pas, dites-nous un petit peu vos sons préférés de PNL du dernier album. C'est parti, coup d'envoi de la nocturne avec un morceau extrait de Dans la légende. Voici Da. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, souris au gardien. Ego, y'a mon clé dans l'arène. Ciseaux retournés comme papin. J'parle pas trop, j'me fous du rappeur. J'négocie le taromate. Tes rappeurs, c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. Toute ma vie, j'l'ai ramé dans les ténèbres. J'me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Peu demande à mes létas, m'envoie tes lettres. Mougli, même pas qu'on lui dise tes célèbres. Chaque jour c'est la même, c'est le pif qui me fait frissonner. Pas honte de leur mettre, c'est pété, moi je leur pissonner. Dans la jungle, je suis sauvage, un gros âge pour m'isoler. Les grosses tasses qui déboulent sur mon arbre, je les prends en le. J'tacle à la gorge comme un pipi, elle est loin la pum. Dire à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mes belles et coca, où ça tire. J'ouvre pas le thug avec ta meuf, on sait, tu fais le ti. J'suis de l'époque de la Sega, j'm'entraîne à frapper comme ça gâte. Rico, rico, j'débarque, ratatata. Fais gaffe, faut hype, c'est pas patatata. J'connais le million, mais j'chante toujours pas, la la la la. Entre nous, programmés, et même pas, font semblant. C'est chelou, j'suis armé, cœur de pierre, abonné. J'suis mouclé, j'suis Simba, animal, ça s'entend. M, dans leur mère, tu connais. Da, da, da. Bas les couilles pour eux, j'suis N. Da, da, da. Bas les couilles, c'est pété, même pas. Pas, pas. Au fait, moi j'ai les couilles de papa. Mon Dieu, faut que je me dirige vers la mec. Mais bon, je suis de la pire espèce. Avant, j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. Gars, gars, gars, gars. J'ai mal, je vois mes semblables en bas. Bas, bas, vers rom, pom, pom, pom. Hello, hola, hola. Tes lèvres ne me font plus penser. Mes rêves ne me font plus bander. Je sors une arme dans le respect. La patience, le temps pas testé. Gratte pas l'amitié, pas de nouveaux amis. Pas l'amitié, pas de nouveaux amis. On enverra Mowgli chercher mes tailles. Je redouble la visite de l'Afrique. Tout est possible, je fais oser, tout devient réel. Elle aime les voyous, je viens de chez Tana, cherche mec mortel. Pouta épluche mon cœur. Ton putain de futur au bout d'une chaîne. Ne m'attends pas, attends pas, ou cache ta vie dans mes bras. Petit ange, qu'elle est séduisante, la couronne à Simba. Da, da, da. Bas les couilles pour Chuenta. Da, da. Bas les couilles, c'est pété, même pas. Pas, pas. Au fait, moi j'ai les couilles de papa. Pas, pas. Mon Dieu, faut que je me dirige vers la mec. Mais bon, j'suis de la pire espèce. Avant j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Gars, gars, gars, gars. J'ai mal, je vois mes semblables en bas. Pas, pas, faire rom, pom, pom, pom. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Spécial PNL. Ouais. Rayeux, rayeux, rayeux, rayeux. 5 bars. 6, 7, 8, clicos. Pas maintenant qu'on se barre. Pas trêve que des tos. La haisse content qu'on te tient tête. Ouais, tout pour la F, c'est mon quête. Le pote, ton rappeur en plaquette. Plaquette, Hugo t'inquiète. Nique sa mère, j'm'embête. J'papote avec ma pocket. Gucci, c'est obligé, elle quête. Césaire, plutôt coquette. Sous ta gage, j'suis pas genouné. Balèze comme ma pocket en fin de journée. Les poches prennent des formes, les poches perdent des formes. Jusqu'à la prochaine fournée. 89, goûte à ma tub. 25 ans d'âge, 25 ans d'âge. Pas dans ta teuf, je vis sur un keuf. Je monte en étage, je monte en étage. Raye, raye, raye, raye. Je la bute sous le soleil, laye. Ouais. Raye, raye, raye, raye. Je la bute sous le soleil, laye. Ouais. Ouais. La bonne à sa mère. J'sors de la galère. La vie de ma mère. Ram pam pam pam pam. Hella benga benga. Dans la ciudad. J'marche le regard amer. Coup du sombrero. A la Mexico. J'n'ai hezbop sur la tête, tête, tête. À hauteur Chico. Fuck fuck amigo. Sors pas tes mythos. Il me faut la black card, il me faut la white widow. T'es pas tard, t'es pas. T'es schlag, j'leur fous ma merde et c'est le bazar. Et puis si t'es bonne, j'ai le fouet. Et puis devant ton bouc, j'ai le souhait. Et puis si j'ai parlé avec toi, pétage, j'fais 500 pompes avant les bras à gonfler. Raye, raye, raye, raye, j'la bute sous le soleil, laye. Ouais. C'est la nocturne 100% rap français, 100% PNL. L'album est sorti aujourd'hui dans la légende. On va écouter un extrait qui s'appelle Na. Na. Et puis on partira sur le premier projet de PNL aussi dans un instant. On finira par s'y faire. Par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Nique ton buzz. Nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, puta creuse. Puta creuse. Puta. Puta. J'veux pas qu'on m'invite. Pardon. J'recompte. Mais. rêve se ravit. Leur offrir tous ses rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non, non, mmh. Ok, je m'en balais. Mmh. Je crame une clope dans la. Mmh. Cette passion, voir ma. Mmh. Le Yankee veut ça. Mmh. En menottes dans l'or. Mmh. Au parle, je sens là. Mmh. J'crame une guinze au milieu des tochas. J'fais le tour de la plaine avec Ebona. Tu l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanané. Nanané. Grosse de pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. J'fais plus de E à chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Un cœur de ice, tu connais. Olé, olé, j'suis parisien, enculé. Volé, volé, aux riches, mais pas aux pauvres, salope, salope. Mmh. Une légende comme Ice sur le terrain. Aïe, tu sais, ma bitch, on aime la maïs. Avec cette merde que la mif raille, bataille. On pourra pas dire qu'on est condamné. La lumière, on la voit que depuis cette année. Sur 70 degrés, j'dois pédaler. Laisse-les parler. Des schlags et des schlags, j'peux plus les compter. Et l'hôtesse de l'air, elle me sert à bonter. J'suis pas là, mais VR continue de voter. Dans l'escalier. J'veux du L, j'veux du V, j'veux du G. Président, ta grand-mère, rigolo. Prononce mon blague, j'aimerais bien rigoler. Soleil sur la tête, ça lève les compètes. Mon hall, tu manques et tu sais, j'm'empête. J'm'empête. C'est ta soul, voir ma. Mmh. J'suis pas à ma. Mmh. Le Yankee veut ça. Mmh. En menottes dans la. Mmh. Au palais, j'sens la. Mmh. J'rappe que pour la. Mmh. La street ça pue là. Mmh. J'vois le monde, j'vois ça. Mmh. En poster, j'ai là. Mmh. Chico, j'fais le. Mmh. Et tout ce qu'il y a de. Mmh. Sa mère là, AMD. Mmh. J'suis totalement paix. Planète La Nocturne. J'ai de la monnaie, au retour le coffre est chargé comme un poney. J'écoule, je ramasse, je claque, j'y retourne du début à la fin de l'année abonné. Pour les autres on s'enjaille, on survit et on die. J'accorde une danse à la rue bien accompagnée. J'galette ma solitude après deux tailles. Pas besoin qu'on m'aime, j'vends du sem tampon M. Quelques euros j'prends ma part, je laisse pas aux bâtards ouais, qui crèvent par centaines. J'quitte voir la misère s'élever. Je me suis fatigué à rêver, je me repose sur les faits. Ouais, bientôt je me refais, je te laisse aller, je prends le V. L'enfer m'est réservé, les putes parlent dans mon V. PNL que la famille. QLF, on t'a pas dit. Ademo et la Div Gabana et le deal. On te fait le taga, on te fait la bœuf. Tu viens du 16, on te fait la 16. Élevé par un, bandit plus tard. Je veux faire comme mon papa, maîtresse. Pétard ça les casse en tour. Le cœur des logés ont cassé ma tour. Encore en retard, j'arriverai pas à l'heure. J'marche pas avec les putniks, j'attends le prochain tour. Cet été j'me barre claque de 3 pays. Vu la vie que j'aurais pas. Lors du août j'me réveille. Vu la vie que j'aurais pas. Le bon char en mode veille. De retour je l'aurais pas. La même heure, la même haisse. Quand ça change, je sais pas. Je vis serre. J'm'en vais. Je vis serre. J'm'évite. Je vis serre. J'm'enfuis. Je vis serre. Je vis serre. J'm'en vais. Je vis serre. Je vis serre. J'm'enfuis. J'veux du L, j'veux du V, j'veux du G. Pour saper mes marques dans le cœur. Y'a quand tu descends en enfer. Tu veux m'envoyer l'ascenseur. Celle-là, elle est belle. C'est dommage que ce soit une tasse. Vraiment dommage, tu l'as vu sur les champs. En train de traîner devant Agendas. Encore un qui chope ma mamie. Pareil qui veut casser son tête. Encore une victime sur la liste. Qui va devoir appeler son père. Un destin meilleur. Y'a des billets dont je souris. Petit j'attendais pas ma sieste. Mais juste de casser les dents de la petite souris. Onga dégaine à Mougli. Onga dégaine, je vais courir. Onga visite à Fleury. Libérable 5h tu m'as pété, je vais vomir. Il me faut mon soleil, mes tartines et mon Nutella. Ico, il me faut mon oseille et ma go du Venezuela. J'suis là là là là où y'a l'veille. Ma drogue la base de ma paye. Hendek écarte-toi de la taille. Y'a que ma télé qui se rappelle de la veille. J'fume, j'ai des cernes sous les yeux. Te plains pas, j'suis né dans la jungle. J'ai visé très tôt jusqu'à très tard. De 10h à 4h du matin. Je vis serre, je m'en vais. Je vis serre, je bébé. Je vis serre, je m'enfuis. Je vis serre. Je vis serre, je m'en vais. Je vis serre, je bébé. Je vis serre, je m'enfuis. Je vis serre, je m'en vais. Je vis serre, je bébé. Je vis serre, je m'enfuis. Je vis serre. Je vis serre, je m'en vais. Je vis serre, je bébé. Je vis serre. PNL dans la nocturne. Spécial PNL. Planète rap. 100% rap franche. Je vous laisse réagir avec le hashtag la nocturne PNL sur Skyrock. Hashtag la nocturne PNL sur Skyrock. Le monde Chico, on retourne sur cet album maintenant. Dans la nocturne sur Skyrock. Dans la légende, on passera aussi un extrait dans un instant. Voici le monde ou rien. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Pour désaper ta raclée. Ego, on est voué à l'enfer. L'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à Bomba, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall, j'ai vu Yankee voter blanc. Onga, onga, onga, ouais. Mon gars, mon gars, mon gars, je sers. Du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de pas l'hiver. Je veux pas de câlin, je suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour oh mais oh. Non mais allô, non mais allô. Je laisse trace pour trans au WC. En LV totalement pété. Je rentre coke dans les poches. Quand petit frère pas à l'école, je suis dans ma bulle. Pull, pull, oh shit, le shit, le shit, le shit, pull, sans sur le pull, sans sur le pull, pull, oh là là, oh là là, dégage ton boule, dégage ton boule, boule, oh shit, ton mal, mon bien, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, pour les miens, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, le monde ou rien. Viens. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ego, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour attraper ma queue. Pour attraper ma queue. Que Dieu bon cher fasse tout ce qui vaut pas un rond, comme l'honneur du bug. Comme l'honneur du bug. Et je suis la pomme pourrie qui se garde du panier. J'nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la mif, les mêmes armes, le même salaire. On sauvera pas toute la terre. J'prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Les larmes de la misère ont le goût de ma haine. À bout de souffle, ma haine me redonne de l'oxygène. Faut pas t'en faire, Tico, relève la tête. La misère m'emmène en balade. Remballe ton échelle au fond du trou. J'empile mes péchés, j'escalade. Et rien ne change comme le bruit du giro.

de la mer. Je sens qu'il est temps de se refaire. Je suis bien chez père, je rattrape les années en l'air. J'aime son accent, j'aime la vie en vrai. Je prends ton temps, je réfléchis après. J'ai souri à la merde, souri à l'envers. Sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de la de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir la lune rouge. Je pète Nax véritable. Putain c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'étais sous. TTF, IGT, MZ et bezous. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Dans le vide, vois le monde en entier. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Explicite lyrics. En fait le truc c'est que je suis plus fort que le monde. Je fais des cauchemars. Ouais maman. Les anges sont loin de mon sommeil. En fait le truc c'est que je dois tuer mon monstre. Ouais je suis là, je me balade dans ce décor de merde. Chacal, je joue pas les gentils, on se connaît. Waza, tous les jours on court après l'oseille, hein. T'aimerais bien nous taper la recette, hein. Voilà, nous on n'a jamais été malhonnête, quoi. Ça va, ouais ça va, aime tous les déterminés. Je vois tous ces fils de pute qui voudraient m'exterminer. À la vie, à la mort, à la ligne verte. Oh, t'es au sol, nique ta mère, nique ta c'est viens. Tu montes ton sus, tu te craches, on t'y nique ta maman. Je suis sur Neptune avec ma plume et je fume rien que ça. Plane. Et Chico raille le sol, je connais pareil, mi sol là, c'est que je m'en bats les couilles. Rivalto, Tennyson, 91 et sonne les Simpas, c'était brouille. J'monte le level, MC, Zemel, la Hez, moi la mèche. Tu sais ce qu'elles veulent, voir les doubles, tu qui à la fraîche. Mets du AD, mets du latif, la jungle dans la caisse. Tu joues le grossiste, Unga, Unga, Unga, dans ta graisse. J'peux pas leur mentir, longtemps que j'suis détruit. Faut pas que j'repense au passé, sinon à 25 balais, j'pensais être millionnaire. Mais bon, dans un monde hypocrite, kryptonite en bas, je sème. J'te lance un son, tu connais ta tête, touche le bas du sol. Non, j'rêve plus trop, j'suis poli, j'parle plus trop, j'ressors, j'vis sème. Cœur de garçon, rigolez-moi, j'suis pas d'humeur. J'plonge la tête dans ce putain de bénéf. Je le sens, ne dis pas qu'il a pas d'odeur. Elle me dit lâche tout sur mes lèvres. Tout sur mes lèvres, tout sur mon cœur. Je voulais leur donner de l'amour, mais ils préfèrent qu'on leur baise leur mère. Je me mets à la musique, à un ego de plus qui se met au vert. J'écoute pas leur rap et leur putain de mytho sur fond vert. Je suis QLF comme la chica, comme tous mes petits frères. Avant Brava gonflé, non je n'ai pas repris la détail. On desserre la ceinture, la banquière prend mon tour de taille. Je crois bien qu'ils sont pas humains. Ou c'est peut-être moi qui suis pas humain. Le cœur vite sapé en plein. Gucci pour mon dague argentin. Ouverture à gaga, on s'introduit vite. Je les baise, ils refermeront la porte sur ma bite. J'ai lance plus des canines à papa. J'suis chez moi comme les armes dans la porte. Là là j'me verrai bien vers là-bas. J'veux le monde, j'veux ma part. Elle aime personne sauf ses enfants. De la haine un peu plus qu'avant. Plus monnaie que passionné. J'entends pénaf sonner, je sors pour charbonner. J'peux pas leur mentir. Longtemps que j'suis détruit. Faut pas que j'repense au passé. Sinon, à 25 palais, j'pensais être millionnaire. Mais bon, j'suis dans un monde hypocrite. Kryptonite en bas, je sais. J'te lance un son, tu connais. Ta tête touche le bas du sol. Non, j'rêve plus trop, j'suis poli. J'parle plus trop, j'ressors, j'vis seul. Cœur de glaçon, rigole. Et moi, j'suis pas d'humeur. Rap. 100% rap français. Hashtag la nocturne PNL sur Skyrock. Mon dieu, c'est la merde, mais détecte, je fais la guerre, je suis grave 7 sur 7, H24 ans, pas tu hold, j'ai tant pis. Au fond j'ai la haine et quand je m'endors faut que je me lève, je vis serre, j'ai pas d'heure quand le tête de mon Yankee me fait brrr, brrr. Posté dans le hall, les gens partent au taf. Peu stupéfait de voir qu'en revenant, je suis toujours là. L'hiver j'ai froid, l'été ça bronze, je puisse oublier que j'ai ces tonnes de frappe sous les boulards. Le prof m'a dit tu veux faire quoi plus tard. Quoi? Comme Zizou sur le terrain. À minuit, je suis seul, je me dis que j'attends, que je vais pas assez. Au fait, Shaitan, merci de rien. Ils sont tous rentrés, les fenêtres qui s'éteignent me laissent dans le noir. Pas, je tiens dans la haine. De loin, je vois une ombre, la lumière de mon yant me dit que patient, t'es en valait la peine. La nuit porte conseil, ah non, pas du tout. La nuit, nique sa mère. Et pourquoi m'en faire tellement plus bactère. Je vois les pieds de Lucifer. Je me couche, l'œil s'ouvre, A6. Je recompte, j'ai comme un tic. Poteau, j'ai pas d'heure fixe. Pas de sous, rire sur la pix. Je recherche bonheur pour ma chair. Et je recompte faire l'enfer. Où je me perds et j'ai sors porte de mes rimes. Je recherche bonheur pour ma chair. Et je recompte vers l'enfer. Et où je me perds et j'ai sors porte de mes rimes. J'tire deux trois barres, c'est ma haine qui ressort par le zen. Cours après dollars et mes sentiments, je sème. Je me rappelle que j'ai tout ce cash à faire, j'oublie tout ce que j'aime. J'en veux pas ton amitié PNL, on veut juste le M. Ouais, j'ai changé, j'suis ressorti transformé de la tranchée. Matelas sur le sol, j'ferai de beaux rêves avec PNF sur le plancher. Le sommet d'une plume, le bruit des portières qui claquent sur le parking. 6h moins une dans l'escalier, j'entends le pas des Starkey. Et je laisse une berry, je fais le tour du périph, je sors porte de mérine. Bientôt on se guérit, ou bien on périt, le monde le mérite. Ego, on se refait pas, je fais l'envie que j'aurais pas, je nique la fille que j'aurais pas. 2-3 millions d'raide pas, 2-3 cœurs je répare. QLF t'inquiète pas. J'me couche, l'œil s'ouvre, A6. J'recompte, j'ai comme un tic. Poteau, j'ai pas d'heure fixe. Pas de sourire sur la pix. Je recherche bonheur pour ma chair. Et je recompte vers l'enfer. Hugo, je me perds et j'aime. Je sors port de mes rimes. Je recherche bonheur pour ma chair. Et je recompte vers l'enfer. Hugo, je me perds et j'aime. Extrait du Monde Chico à l'instant, Porte de Mérine. PNL, on va retourner sur le premier projet de PNL, Que la Famille, dans un instant, avec un morceau qui s'appelle De la Fenêtre au Terre-Terre. Et puis on ira évidemment sur Dans la Légende, album qui est sorti aujourd'hui, qui est déjà numéro 1 des ventes partout. PNL à l'honneur dans la nocturne, le hashtag c'est PNL. Le hashtag c'est la nocturne PNL sur Skyrock pour agir et balancer plein de messages. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ton artiste préféré parle du zoo dans ses saumons. Ta BH adorée pète un boulon sur le saumon. Les murs de ma cité, pire qu'une maison hantée. Clan hostile, patriarche du rap, la cité. La relève passe le message, violent ma gueule. À manger, caposé, violenté, bienvenue dans la jungle. Trafic, bolide, broliqué, bisez ça ou ma gueule. Préfère crever à genoux que cela manger dans le bout. La fenêtre au terre-terre, chiffré ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre, grand frère ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre. J'efface pas mes péchés, je casse ma puce. Casse ma puce, casse ma puce. J'te manque tant que ça, viens pécho ma puce. Pécho ma puce, pécho ma puce. J'relève la capote clé et ne me la suce. T'étais où quand j'pouchais dans le froid comme un russe. La mif, la monnaie, Hugo, j'suis QLF. Papa qui m'éduque, la haine qui m'élève. Dans l'ombre anti-système solaire. Le jour de paiement, je rends l'air. De la fenêtre au terre-terre, j'irai ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre, j'irai ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre, grand frère ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre. J'fume dans la nuit, les yeux dans la lune, j'ai les yeux dans le vide. J'ai tellement faim que j'suis prêt à partir prendre du plomb dans le pit. Vendu comme un damné en bas, marre de zoner. J'prétends, j'rêve que rentrer, rentrer à la sommet. Bah les coups du sommet, tu connais pas le même terrain, rase à crête à Balotelli. Tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, je te réponds, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à l'hôtel. Pas d'étoiles dans mon ciel, baba. Tire une étincelle en baba, baba. J'ai un pif à faire imposer devant la porte de baba. De la fenêtre au terre-terre, j'irai ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre, j'irai ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre, grand frère ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre. C'est sur nous que les anciens misent sur l'injection. Ils se focalisent, mode un espion, on les brutalise. Et on s'excuse pas si on vous la mise. Mat comme ils analysent, les flows, la technique qu'on utilise. Pour te la mettre, on n'a pas besoin de tease. Passe-nous un mic, tu verras qu'on le brise. L'instru, on le maîtrise. Pas de traîtrise, on te méprise. C'est la crise, comme sortir prise. On tape la pause, capture la prise. Te plaît, fais pas la mise. Y'a que le train qui te l'a pas mise. Sans cesse, tu te ridicules. Tu butes la gueule, me tape pas la vie. La fenêtre au terre-terre, j'irai ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre, j'irai ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre, grand frère ira chercher l'oseille. La fenêtre au terre-terre. Salope, qu'est-ce que tu veux, j'ai le gang dans la chair. Et j'ai des choses à bang à faire nos affaires. Moula mif d'abord, on n'a plus rien à perdre. Feu que tous ces sourougnages, je leur parle à l'envers. T'as fait du sale, tu cherches une fille propre. Tu tomberas que sur des taspés. On va plus parler, t'allumer et t'éteindre. Ce sera le dernier mot du tarpé. J'ai la recette pour taper la recette. Vida loca, faut filer. dans le cul 7. Kenda, les types de chez moi, les types de chez moi. On haka les grands de ton sexe. Plus le sourire est large, plus je me méfie. Caméra dans ma ville, Bibi Gigi, nouveau défi. Je sens l'odeur de mon âme qui brûle. Mon âme qui brûle. Y'a rien à faire, c'est comme ça. Rien à faire, c'est comme ça. Moi je suis dans la vallée du rhume. Pierre sale, je construis la casa. Jamais que je voulais être. Je voulais jamais que je voulais être. Pardon la vie, pardon, pardon. Tant que je compte les billes en mètres. Les billes en mètres. Je fais des signes, je parle QLF. Je brûle mes souvenirs, j'éclaire le bénéf. Cœur de billets, j'attends qu'on me greffe. J'attends qu'on me greffe. Et sur le vendeur, c'est toujours Casper. Y'a assez de couilles pour leur faire la guerre. Pas assez de cœur pour sauver la terre. Sauver la terre. Ouais, j'mets que les couilles, je vends plus. Le rat est jalouse, ma plume. On s'est oublié en bas. En haut, j'me rappelle de toi. J'suis la folle dans ma chambre. Tiens, roule ça que j'm'envole. Ting, ting, ting. Hey. Bah ouais, j'fume ma drogue. J'calcule pas mon fun. Faut que j'recompte ma somme. Ting, ting, ting. Bam. Troisième œil comme Tenchin 1. J'joue, j'suis vif comme Nakata. J'mets plus linge sale dans le kappa. Wow, wow, wow, wow. À fond dans Panam. J'ai la banane. Gros pec dans le hammam. Ham, ham, ham, ham. Toute la tête avec un pet, pet, pet. Un cachet, j'te montre ma tête, tête, tête. QLF sur la plaquette. Get, get, get, get, get. Grosse de bûche ou pas la Rihanna. J'suis un requin, j'suis pas un piranha. Va te rendormir, ta chenille en pyjama. Ouais, ouais, fuck la zère, zère, zère. Ça, toi t'es vert, vert, vert. M'appartient, hein, tant qu'on les sert bien, hein, montre-moi ça me convient. Chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki. Je le fais dans. Extrait dans la légende de PNL, c'est sorti aujourd'hui. Le morceau s'appelle Bambina. Bambina, bambina, bambina. Y'a rien de magique, tu sais, ma vie, ça me joue pas drôle. Bambina, bambina, bambina. Pas baila, baila, baila, baila. Noir et la rose. Topé, topé, j'vendais le coco, j'graillais le tacos. Ombre, ombre, j'fais le tour du monde, même en tacos. Faut que j'vois le Japon, faut que j'vois la Chine, faut que j'vois le Mexique. Faut que j'vois l'Afrique, faut que j'vois machin que nous glisse exprès. J'rime tranquille devant le cul de Kimanakin. Tu me fascines, tu me rends stupide, ça m'abîme. Si tu m'aimes, est-ce que tu signes si je saigne? Si fragile, tu serais copine sans le sang. J'aime quand t'as pas de thème. J'aime comme la fin de thème. J'traîne souvenirs par centaines. Qu'est-ce qu'on haïait comme c'était bon à l'ancienne. J'aime, t'aime. J'aime comme la fin de thème. J'traîne souvenirs par centaines. Comme c'était bon à l'ancienne. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Ego, j'suis sous, calme. Tais-toi, juste un moment. Ouh la la la. Ouh ça ça ça. J'connais, j'connais, j'connais, j'connais. Ça là, ça. J'fais mon bif, wah wah wah. J'aime son putain d'accent. J'fais mon bif, wah wah wah. J'aime son putain d'accent. J'fais mon bif, wah wah wah. J'aime son putain d'accent. J'fais mon bif, wah wah wah. J'aime son putain d'accent. J'fais mon bif, wah wah wah. Shut up, shut up, la la la. Shut up, shut up, shut up, ça ça ça. J'connais, j'connais, j'connais, j'connais. Ça là, ça. J'fais mon pif, wah, wah, wah. J'ai rempli mon répertoire de charognard. Tranquille tant que c'est parlant dollars. Monnaie. Mes frères savent bien que je les oublierai pas. La mif c'est bien que sans elle je m'en irai pas. Elle est belle mais elle kiffe trop PNL. J'pourrais jamais lui présenter mes séquelles. J'suis sur le cul d'une étoile filante. Pas de feu, j'fais le bilan. Vert grillante. J'peux pas la ken, elle est trop love. Peace and love, par peace and love. Plus j'me rapproche du but, en plus je sais que tout ça me sauvera pas. Pendant que tu changes d'air, je reste en bas, je rabats. Et pourquoi à chaque fois, Ico on devient honnête. Ils veulent trop en savoir, bientôt on devient honnête. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Ego, j'suis sous, calme. Tais-toi, juste un moment. Ça, ça. J'connais, j'connais, j'connais, j'connais. Ça là, ça. J'fais mon bif, wah, wah, wah. J'aime son putain d'accent. J'fais mon bif, wah, wah, wah. J'aime son putain d'accent. J'fais mon bif, wah, wah, wah. J'aime son putain d'accent. J'fais mon bif, wah, wah, wah. J'aime son putain d'accent. J'fais mon bif, wah, wah, wah. Shut up, shut up, shut up, la, la, la. Shut up, shut up, shut up, ça, ça, ça. J'fais mon pif, wah, wah, wah. Planète rap 100% rap français. Dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais ta chatte, toi ferme ta gueule. Toi ferme ta gueule. La vie c'est dur, merde les chutes dures. Je coupe la pure, faut faire des ronds. Un cœur de hache. Je sais pas, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Bravo bref, faut faire du bif, on a intérêt. donc parlons-en. Y'a pas d'amis pour ta bitch, pas de temps. Faut que tu piches, que tu biffes, que la mif. Power. Je sais pas ce qu'on sera dans 10 ans, mais disons pour l'instant je vais tomber mes étoiles impuissants. Je suis seul sur ma planète et je nique tout en disant Hamdoulay dans ma galère. C'est sale quand je vends la cam, mais bon croyez pas que je kiffe des ronds morts quand je suis à table. Baba, je bibi en bas. Le temps passe, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va. La vérité c'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis tard. Ils m'ont pété, gros pété. Viens prendre ta cons avec la bile, on n'est pas à 11. Oh là là, un verre pour le salaire. Et je sers même le week-end. La putain de sa mère. Baba, je bibi en bas. Tant pas, je vois le soleil se lever, se coucher. Je mens quand je dis ça va. Hey, mes ennemis. La vengeance sous la grêle. Eh, mes amis. Mes amis. On danse ou on crève. J'suis dans le four, j'ai chaud, j'ai la dalle. La pesanteur sur le dos qui s'installe. Eh, la vita. Loca nous rend animal. Tout niquer devient vital. Je me défonce pour me rappeler, je me défonce pour oublier. Salut, salut. Je me défonce dans l'obscurité parce qu'on aime voir l'ombre briller. La lune, la lune. Le temps qui passe me chuchote, ma biche, c'est ta faute. Nous reste toutes ces bougies à souffler sur la côte. Le roi bien profond pour caresser le trophée. Tu veux qu'on te sauve, on s'est même la pas sauvé. C'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis tard. Ils m'ont pété, gros pété. Viens prendre ta cons avec la bile, on n'est pas à 11. Oh là là, un verre pour le salaire. Et je sers même le week-end. La putain de sa mère. J'bibi en bas. Tant pas, je vois le soleil se lever, se coucher. Je mens quand je dis ça va. Cette planète la nocturne. Ils veulent me sauter sur le calibre et j'ai même pas envie de savoir pourquoi. Les bastos sont lâches, j't'ai raté, mais Ali, j'la deuxième, elle sera pour toi. Igo, plein de rancune, on n'oublie rien, donc on tâche un sourire sournois. La vie d'un loca dans le pif, la coca, my bitches, la sosa. Isoler le cœur noir, la coupe, je l'ai rangé dans l'armoire. C'est tout pour le fric, détail, le shit, Igo, on se refait dans moins d'un mois. Pinel, pinel, lève ton joint en l'air, t'as pas capté encore, l'avenir est à moi. Quenel, quenel, dans la chatte à vos mères, bloc de 5, elle en dirait que tu parles. Ils font les fous, c'est que des 8, ma gueule. Tu me dois des sous, dis-moi pourquoi, pourquoi tu fuis ma gueule. T'es ma catastrophe, c'est ton heure, ma gueule. Car tes excuses, je laisse parler mon gueule. Nous, EP4, loco, les loups n'ont pas de cœur. De la street, tu n'es que spectateur. Ego, les miss, c'est comme les euros. Tu connais, ça va, ça vient. J'fume la frappe, j'me pète les neurones. Texte de foot, Chico, accroche-toi bien. Tu demandes, ça vient d'où? Ce mec est malade, malade mental. On chante, gala, gala. Avant de sortir la bête du son gars. Chaka, je fais que penser au temps horrible que je vois sur le baron. Je sais que je serai jamais content. La haise qui marche dans le salon. Je regarde chelou, faut pas tes mains. Les chiennes se prennent pour Athéna. T'es moche, je te chante Bella, Bella, Bella, Bella, Hella, Hella. la chacal. Je fais que penser au temps, au rythme que je vois sur le daron. Je sais que je serai jamais content. La haisse qui marche dans le salon. Je regarde chelou, faut pas t'aimer. Les chaînes se prennent pour Athéna. T'es moche, je te chante Bella, Bella, Bella, Bella, Hella, Hella. Regarde droit dans mes yeux et dis-moi ce que tu vois. Si ce n'est une âme en perte de foi qui défie les lois. Un pochon sur ma pookie. Faut bien payer les lois. Car j'ai subi les fractures que les factures causent dans l'Yévois. Dans la merde jusqu'au cou. Demande pas si tout baigne renoir. Dirty des Angie, je suis né ainsi, je finirai comme ça. J'ai jamais joué au rugby. Pourtant je me suis fait mêler. Noyé dans la solitude. À en devenir fêlé. 6-35 contre ma tempe. Une voix qui me dit fais-le. Le doigt qui tremble sur la détente. Sursaut un cri fais-le. Pèse une meuf bien, je veux une pétasse. Bah ouais, j'offre pas de pétale. J'baise et j'détale. J'pèse et j'détaille. Où j'cambriole, c'est mon fournisseur. Mon négro n'a que de la caille. J'prends tes biens et j'me taille. Dirty D, cherche la maille. Depuis quand les pédales veulent tenir le guidon. Que pour la famille, le chargeur nous vidons. Chacal, j'fais que penser au temps, au rythme que j'vois sur le daron. J'sais que j'serai jamais content. La haisse qui marche dans le salon. J'regarde chelou, faut pas t'aimer. Les chiennes se prennent pour Athéna. T'es moche, j'te chante Bella, Bella, Bella, Bella, Hella, Hella. Chacal, j'fais que penser au temps, au rythme que j'vois sur le daron. J'sais que j'serai jamais content. La haisse qui marche dans le salon. J'regarde chelou, faut pas t'aimer. Les chiennes se prennent pour Athéna. T'es moche, j'te chante Bella, Bella, Bella, Bella, Hella, Hella. Ouais Chico, j'suis dans mon bas, j'galère avec Asper, j'm'en bats les couilles de leur mère. Igor, plus j'écoule la verre, plus j'redonne le sourire à la misère. Viens, on a de quoi te viser. Un gros billet, j'nous libère. Dis-moi, t'étais où quand j'faisais la guerre, j'pète une axe, m'vasse, fais le tour de la terre. Je brûle mes rêves dans ma ville. Tarteuse ou moi, c'est Nabil. Que la famille, on se mélange pas, donc pas de traîtrise, que les puces se rapillent. Que du bon char, pas de magie. Papa souris, j'm'assagis. Tout le bénéfice dans cette merde, ne crois pas qu'on joue, là de quoi il s'agit. Là de quoi il s'agit. Chacal, je fais que penser au temps, au rythme que je vois sur le daron. Je sais que je serai jamais content. La haisse qui marche dans le salon. Je regarde chelou, faut pas t'aimer. Les chiennes se prennent pour Athéna. T'es moche, je te chante Bella, Bella, Bella, Bella, Hella, Hella. Chacal, je fais que penser au temps, au rythme que je vois sur le daron. Je sais que je serai jamais content. La haisse qui marche dans le salon. Je regarde chelou, faut pas. T'es mal, les chaînes se prennent pour Athéna. T'es moche, je te chante Bella, Bella, Bella, Bella, Hella, Hella. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Sans refaire du coche, je me tape la couleur du ciel. Ma haine prend de l'âge, elle mise que le temps la rend belle. Je voulais pas qu'on m'aime, je voulais juste le M comme Kratos. Je m'écarte du rinté. Ego, j'oublie le visage de mes flicos. Mon frère en allume un, j'en allume un. J'suis peace and love, la guerre, le million, la paix de Calumet. On n'est pas comme eux, le monde en a un dé. Je veux qu'ils vivent leur rêve, pour ça je serai planté. Plus très loin du sommet, je garde les pieds sur terre, je garde une photo d'en bas. Je me rapprocherai de l'enfer, pour éloigner les démons de la nouvelle villa. On te laissera le trône et puis la fille on garde la monnaie. La vie de Seigneur Coulant, les cafards m'ont dit toujours là. Pourquoi? Parce que y'a moi, j'deviens mauvais comme Kratos. Rom, rom, pom, pom, pom, j'avance sous le vent me perd. J'avance, j'regarde derrière la fume. Rom, rom, pom, pom, pom, 50 nuances de haine, 50 nuances ta mère la pute.

couilles c'est pété même pas. Pas. Au fait moi j'ai les couilles de papa. Pas. Mon Dieu faut que je me dirige vers la Mecque. Mais bon je suis de la pire espèce. Avant j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui je plais à Eva Mendes. J'ai mal, j'vois mes semblables en bas. Pas faire rom pom pom pom. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Allez, après PNL, on repart pour une petite heure. Toute petite heure dans la nocturne de son 100% rap français. Ça sort dimanche le clip. Voici le son de Crix. On va se les faire maintenant dans la nocturne. CRI Lims à la prod. Et de la sueur plat pour mes bandits. Ouais mon négro on a grandi. Ah mais oui. Franchement et tout et tout et tout. Yeah yeah. Pour faire du rallye on a quitté la classe. Si tu dors sur un plan on va piquer ta place. Toi tu veux pas laisser mes négros bouffer. Ok y'a ta soeur pour t'électrocuter. J'appelle le bonheur mais ça seul occupé. Bang bang bang. Je sais pas si t'as vu le niveau de CRI. Voilà c'est fabuleux. Je viens du 9-3 chez nous c'est crapuleux. Il t'a canadé tu me renois. Tue-le. Même si parfois ça pue le blague. Tout le monde sait que chez nous quand on joue avec le feu ça brûle. Parce qu'on veut voir le billet s'entasser. Mais la scar sont des terres donc ça vend de l'acier. Si le tir se pétait il s'est remplacé. Je pense à mes frères écroués. Tu t'es fait péter c'est dommage. Pour ça sans pas qu'il fait trouer. Et personne n'a fait tout ta fromage. Crois pas qu'un savant s'adore. Gros car j'avance à bord. Un gros aventador. Ego. Crois pas que mes gravants t'adorent. Une part d'un que t'adore. Pris juste avant ta mort. Ok. Je rappe mieux que mes sons sont percutants. Bizarrement tu perds tous tes potos quand t'as décidé d'arrêter de perdre du temps. On va se les faire. Sont pas satisfaits. Que des billets gratte chez nous. Ouais c'est ça qui se fait. La drogue et les meurs négro ça tu le sais. Ouais. Ça tu le sais. Mais tu vas fermer ta le gueule. Prends ta monnaie pour épouse. Me barrer de la street. Négro ça je le veux. Oh. J'roule en deux temps. J'roule en deux temps. T'as une dent contre moi. Ok. J'te casse tes deux dents. Tu t'as foncé tété. Jusqu'à cet été. Négro c'est pété. Tu n'auras jamais de jet tété. Si tu te fais péter. Nous on paye ton brave, ça veut dire si tu passes aux aveux, ça veut. Tu vas dormir dans ma cave, caveux. J'fais encore du compète, moi j'ai pas assez peur. Et puis sur scène, cite-moi un négro qui n'est pas déter. J'rappe mieux que ça se voit direct. J'baisse toute la nouvelle école, ramenez-moi le direct. On va se les faire. Brasse les bras sur les verres. Pour ma tuse à l'aime, j'casse les verres. Mon négro, on va se les faire. On va se les faire. On va se les faire. On va se les faire. Préfet des rappeurs, on va se les faire. On va se les faire. Je suis dans le carré, vibre, brasse les bras sur les verres. Pour ma tuse à l'aime, j'casse les verres. Mon négro, on va se les faire. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. DRY. Avec Carlito Dry maintenant. À la kiss, à la kiss. Ouais, gros.

tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave. Dès le départ, fut comme un guépard avant qu'on pète. Voulais dégage, dégage avant la compète. Chose faite, dès que la forfait, y'a que des corsaires. Pouf, mon équipe arrive et tous les faux pertes. Merde, grosse air, mais les compros perdent avec une prose de merde. Panama, compose le texte que tes potos répètent chaque jour pour le pogo, du pogo, du pogo. Faut que tu répètes partout qu'on disparaîtra. Cassage de bouche à travers les barrières salauds. Ramène-nous les palos, on est paro et je lâche les balles. La belle fille sous les carreaux. Appelle les pelles, fais les nique les pédophiles. Fils, file avant que ma team perde le fil imbécile. Ramène ta bille, file les billets, file sous les feux que je calce. Mes homies négocient le prix du rap. Tu vas sortir en péridural, figure de style. Biture de biche, on arrive, tu te fiches Panama sur les récifs du mal. Spiff vert devant départemental. Yeux plissés, c'est même pas eux quand j'aille. Mandat hors mas, des dommages infligés de façon passons, c'est pas eux quand pas. Il me faut 80 backers, pas seul dans la merde, je filme de la gueule. Acteur de mon film, pas le temps de les voir. Dégage, agis sur ta chaîne comme des hackers. Indécis sur la couleur de ma paire. Sors de l'épice en balance et toutes les averses. Chaud comme la Nestori, au miso et miss et je produis rapidement la guerre. On a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre. Tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre. Tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre. Tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre. Tout à gagner, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave. J'ai vu la vraie misère au Cap Vert. J'écoute même plus vos caprices. J'fais de l'impro s'il y a pas de texte pour le clip. J'contacte 2-3 actrices. Moi, on a ma full bull dans la partie. S'gare sur le trottoir s'il y a pas de parking. C'est reparti. On arrive sur scène, tout le monde se bouscule comme au karting. Vas-y, compte les thunes que tu me rapportes. Cette brune, j'l'adore. Les mouvementés quand les purs rapports se terminent. Elle me caresse pendant que j'fume ma clope. Maintenant, parlons taf. J'pars au studio. Dans la cabine avec le chrome, je fusionne. Y'a pas de montage, coup de batte dans le museau. Car ces yens veulent toute graille, mon bout de viande. Y'a du pilon dans ma chaussette et des bifetons dans ma poquette. Après, Saint-Gervais, casquette bien serrée. Crois pas que dans ma clique, on prend la grosse tête. Rester fidèle à sa horde, on tient tous sa promesse. Le soleil se couche, on étouffe l'alcotesse. Je parle d'ambiance que les couches tard connaissent. Vesquil et qu'on défonce des sur le boulevard Jaurès. Gros terre, sache que ça attise ma colère. Frère, je m'en fous, là ça traîne dans le zoo, même en période de climat polaire. À jamais soudé, même si ça se finit en cocard. Quand on se taille, un peu de sky dans ton coca, un peu de coca dans mon sky. On a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner. Ave, ave, ave, ave. Panama sera désormais sur ton poster. On est allongé la main, les mains, les mains et tout ce yon clis. Cet élément aussi élégant que tes grosses fesses. Masser les wak et faire de Panama un empire. Dans ma tête que des nausées, je dois gérer ma vie, je me dois d'éviter les péris. Et ma mère, elle me connaît, elle sait bien qui je suis, elle sait que je connais tous les risques obscènes. Comme la C sous tes narines, nique les infos depuis que je sais qu'on n'est pas libre. Je t'observe et je repère tous tes amis. Tu sais bien, toi je connais ta copine dans la partie. Fuck, fuck, fuck, les putes et les messes basses. On veut du pèse et on espère finir dans l'espace. On est venu faire le ménage éternel, bendé et destiné à faire face. Baigné dans le jeu, on a les moteurs adéquats. Et le son sort par le pot d'échappe. Moi tu voulais tester, fallait pas rester à l'écart. Mec, balai pas, l'alcool est écossé, le pilon est taf. Quand on met les guesses de la nuit, faut qu'on bosse et prépare un avenir. Moi je n'ai pas peur de la mort, donc j'affronte les épreuves de la vie. On veut des bimbo facile, resto gratuit comme l'aristocratie. Je répète, bimbo facile, resto gratuit comme l'aristocratie. Parfois mes refs, des riffs se plantent, mais moi je pense au cash que je mérite de prendre neuf. Si t'as pas de seuf, vaut mieux t'évites. Le gang Panama Ben, des jeunes élites de France. Ils veulent notre mort, on va pas se laisser faire. Car ma clique est à l'aise des classes dans vos cities. On prolifère quand tu nous vois crier à des César. On a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner. Ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave. On a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner, on a rien à perdre, tout à gagner, rien à perdre, tout à gagner.

Shout à Donald Trump. Shout à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. La grosse shout à Donald Trump. Shout à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. La grosse shout à Donald Trump. Shout à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. La grosse shout à Donald Trump. Shout à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. La chatte à Donald est pleine de peu fratelle et Rosta Maradona. J'ai la jura depuis l'époque à Padona ou Madonna. Fille des putaniques, les cotards, on va les tacler. Thiago Motta, tout ce qu'il fallait. C'est Rafale, on sait ce qu'il valait. Une bastos dans le palais. Hamdoula à l'aise, 200 E pour le valet. J'pose la taille, tes robes se battent pour un gobelet. Parlons bif, parlons eux, tous ces jaloux parlent entre eux. J'suis au VIP, j'vois ses yeux sur ma table à 10 000 E. Parlons bif, parlons eux, regarde ma carte n'est pas bleue. J'vois des étoiles dans leurs yeux quand j'arrive en bois du bleu. Chat à Donald Trump, chat à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. La grosse chat à Donald Trump, chat à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. La grosse chat à Donald Trump. Chata Donald Trump, poli poli poli poli, court comme Forrest Gump. La grosse chata Donald Trump, chata Donald Trump, poli poli poli poli, court comme Forrest Gump. La chata Donald, pas d'accolade avec ces gens-là. Star fou là pour eux, Hagra c'est la routine. Contrôle comme Poutine. La Trump Tower dans ton postérieur, contrôle le secteur. Ces négros vont tomber de haut. Je crois que ton Philippe Lain est un faux. J'ai levé, monté le niveau. T'as pété million quoi de beau. La putain de chatte à Philippot. Le viré arabe et négro. La chatte à Donald à sa go. Oh. Chatte à Donald Trump. Chatte à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. La grosse chatte à Donald Trump. Chatte à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. La grosse chatte à Donald Trump. Chatte à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. La grosse chatte à Donald Trump. Chatte à Donald Trump. Poli, poli, poli, poti, court comme Forrest Gump. Chatte à Donald est plein de peu fratelle et Rosta Maradona. J'ai la jeu depuis l'époque à Padona ou Madonna. Fille des putaniques, les cotards, on va les tacler. Thiago Motta. Voilà, finira avec un peu de poésie dans la nocturne 100% rap français. Nouveau son de la fouine à l'instant. Donald Trump, c'est ce qu'on écoutait après cette heure aussi consacrée à PNL. Tout à l'heure, l'album est dans les bacs. Et puis dès lundi, dans Planète Rap, Panama Bende à pas louper. C'est entre 20h et 21h, il débarque le collectif tous les soirs de la semaine dans Planète Rap, 20h, 21h. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nocturne. Merci pour les messages. On se retrouve évidemment lundi pour le Planète Rap. Et dans une semaine pour la prochaine nocturne sur Skyrock. Fabuleux. Au contrôle, c'est parti. Coup d'envoi des nuits sur Skyrock. Rap et R&B non-stop, ciao. Skyrock Radio Station. Rap and R&B non-stop. Skyrock.